Non, non, tu peux-tu ça encore? Go, go. C'est correct. Ça va bien? Je pensais pas qu'on était prêt. Samedi le 10 mai 2014, Ottawa Comic Con, jour 2. Oui! Oui, yeah! Oui, shot! Qu'est-ce que t'as à nous dire? C'est quoi ton secret? Oh boy! On donc, pour ceux... spoiler alert, Canadien vient de perdre, bâtard. On avait dit qu'on n'en parlerait pas. Yeah! Non, non, on en parle, ça a l'air. On va en parler, parce que... Faut bien donner c'est de la gloire à Nick un peu, non? Donc, Ottawa Comic Con, deuxième journée. Mais là, vous parlez pas? Vous, ben oui, mais on attendait. Me semble que c'était bien meilleur comme deuxième journée. Ben oui. Ouais, ça avait plein de potentiel. C'était pas pire. Oui, pour, ouais, dans toi, ton Eric, cas. On te couvre-tu tout de suite? Ou, hein? Ben, il va falloir parce que... Eric, la poutine à Ottawa est comment? Mettons, d'une échelle à 1 à indigestion. Je pense qu'elle est bonne. Est bonne? Mais elle est bonne. Au goût. Au goût, est très bonne. En entrant ou en sortant? En sortant, dépend quel trou. OK. Oh. Oh! Écoute, well played. Ma blague s'est retournée contre moi. Tu gagnes. Pour ceux qui auraient besoin d'explications, qui comprendraient peut-être un petit peu moins vite les autres, Eric, tu t'es joint à nous à 1h de l'après-midi. J'ai eu un matin rough, ouais, où j'ai resté bien relax dans la chambre. À contempler mon existence sur cette planète, voir si c'était fini ou non. Moi, j'ai bien aimé tantôt quand on a croisé la dame de ménage de l'hôtel, puis on lui a dit « Hey, vous avez eu bien épais que nous autres à nettoyer, hein? » Puis elle a fait un nom catégorique de gauche ouais. à droite. Ça, c'est son sens d'humour, Europe de l'Est, André. Ah, OK! Leur troisième degré ou deuxième degré, comme tu dis, c'est... Très développé. C'est très développé. L'Europe de l'Est, c'était le deuxième degré, le sarcasme, ils sont réputés pour ça. Là. Ouais, en tout cas, j'étais pas là, mais je vous ai joué en 1 heure, fait que j'avais peut-être pas grand-chose à dire, mais j'ai quand même fait une couple de choses. Parle-nous donc du système du transport en commun à Ottawa, la 97 précisément. Ben, en fait, moi, je viens d'Ottawa, hein, c'est ça l'affaire, fait que moi, d'ici me rendre là-bas, je pense que c'était pas été pire que ça. Mais je passe à travers du centre Rideau, que j'ai passé à travers toute mon adolescence, tout comme j'ai été ici jusqu'à 22 ans. Je connaissais ça très bien. Là, on est quasiment plus que 10 ans au-dessus de ça. Puis j'étais perdu. Je me suis perdu dans le centre Rideau. J'ai une anecdote du centre Rideau, si tu me permets. Ouais, vas-y. Hier soir, j'ai été effectuer une petite course avec Nick. Je devais aller me procurer du déodorant. Ah, puis oui, c'est vrai, pour le Pharmaprix. Au Pharmaprix. Excuse, Shoppers Drug Mart. Shoppers Drug Mart. Écoute, on est en anglais ici, Eric. J'espère que tu pourrais respecter le code absolument. Linguistique. Là, ça compte-tu comme un spoiler, ça, de dire aux gens que c'est la même compagnie? Ben, ça fait plus que 2 mois, ou... Ben, je sais pas, y a-t-il des lois pour ces affaires-là? Non, écoute, y a pas de code de spoilers d'entreprise de ce genre-là, je crois. Okay. Mais... J'arrive chez Shoppers Drug Mart, puis premièrement, je me présente à la première caisse avec mon déodorant, puis on me mentionne, ben écoutez, monsieur, passez à l'autre caisse, s'il vous plaît. Je me rends à la deuxième caisse, on me mentionne, monsieur, passez à l'autre caisse. Rendu à la troisième, ben là, il y a comme une genre de clôture. Mais la clôture est faite bizarre, parce que faut comme... Comment qu'on peut décrire ça, Nick, pour les gens qui, ben, t'sais, qui sont très visuels? Quand t'arrives à la caisse, au lieu de passer comme direct à la caisse, faut que tu fasses comme le tour. La file est comme à l'envers, en fait. C'est comme une file inversée que, dans un monde de prévention des pertes, ça servirait à fuck all pour t'empêcher de voler du stock. T'sais. Mais ça fait bien beau, puis honnêtement, il y a de la tôle là-dessus que ça a dû coûter une couple de mille. Mais non, Shoppers Drug Mart, ben le monde était sympathique. Puis les produits sont chers en Ontario. Pour ben, je trouve c'est pas mal le même prix. Là. J'ai pogné des Gatorade à 1,5$, un des 3 Gatorade que j'avais besoin. Ben écoute, le Gatorade est correct. Mon déodorant m'a coûté 26,95$, fait que c'était correct. J'avoue que ça exagère. C'est du déodorant spécial, parce que t'as une peau fragile. J'ai une peau très fragile, écoute. J'ai une petite fleur fragile de la peau. Puis écoute, c'est un sujet qui est... Qui est délicat. Qui est très délicat. Comme moi, j'apprécierais qu'on n'en parle pas, s'il vous plaît. Mais outre tout ça, on se fait susurrer à l'oreille des mots doux depuis tout à l'heure. Christian? Oui? T'es encore avec nous autres, toi, cette année? Ben oui, toujours. Tu tannes pas, hein? Non. Bonsoir. Comic-Con, Christian? J'aime ça. Toi, c'est comme ton happening cette année? Quand même, un peu, non? Good, good. Ben merci d'être avec nous encore cette fois. Si peut remplir des trous d'informations qu'Éric... n'a pas pu capter ce matin. Effectivement. Il sortait ces trous-là. Christian est quand même fiable. Il est là à chaque année, il va nous backer. Puis cette année, ben, il va pouvoir nous aider à justement couvrir le 10h à 12h30, 1h où Eric était en train de... Ben après aussi. Poliment. Toute la journée, là, son opinion n'arrête pas à 1h. Questionner son existence, vous, poliment. Là, vous l'avez toute vie, ça, dans votre moment, là, où est-ce que vous êtes à la toilette et vous êtes en train de dire « C'est-tu mon jour? » Par moment, est-ce que tu veux parler des 6 derniers mois ou tu veux parler de... Non, mais c'est juste la toilette elle-même. Quand tu y penses à la toilette même, là, c'est... Tu vis des moments intimes là-dedans, oh, non ben seulement ce que... Toilette. Écoute, laisse-moi te confirmer que ce matin, ton moment était loin d'être intime. Je l'ai partagé avec toi. Ni intime, ni gracieux. Mais on va boucler la boucle. On va arrêter de parler de ça. Mais donc, le deuxième jour d'Ottawa Comic Con, beaucoup plus de panels en ce samedi, dans le fond. Beaucoup plus de monde aussi. Beaucoup plus de monde, effectivement. C'était plein. On discutait de ça ce matin, puis j'ai l'impression que Ottawa Comic Con est rendu à l'étape où le Montreal Comic Con était, dans leur dernier temps, dans l'ancien local, excusez-nous, hein, quelques petites servoises. Mais j'ai l'impression qu'il commence à avoir trop de monde pour l'emplacement. Sauf que de ce que je comprends d'Ottawa, Eric, confirme-moi, il n'y a rien d'autre que ça. Là. Comme je te dis, il pourrait le faire au. D'ici, là, il y a le Civic. Ben le, mais il y a le Civic Center qui serait sur Bank. Ça, c'est le Centre Bell des sénateurs. Non, ça c'est. En fait, ça c'est le Centre Scotia. Ah, mais ils ont un gros centre. Ils ont un gros genre de palais des congrès ici dans attaché au Westin puis le Centre Rideau. Fait que dans le fond. Mais non. Ça serait comme Montréal qui ont décidé d'aller dans le palais des congrès. Déjà, okay. Ça c'est fait. Okay. Mais je pense qu'il y a plus de monde qu'à Montréal. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Écoute, moi je dirais que c'est une perception que tu as basée sur la superficie disponible. Mais c'est plus petit, il me semble. C'est plus petit, fait que ça a l'air plein. Tu sais, dans un concept où l'emplacement est plus grand puis il y a autant de monde, ça va l'air un peu plus vide. Il y a des différences. Comme personnellement, j'aime mieux que ça soit tout sur un étage. Ouais. À Montréal, ça me dérangeait un petit peu qu'il y ait des affaires au deuxième, des affaires au sixième, des affaires au rez-de-chaussée, mais pas au 3, 4, 5. Ou, en tout cas, c'était un peu spécial, disons, là, comme setting. Là. Puis, j'ai une conférence, il faut que je monte en haut. Malgré que ça séparait très bien le floor des conférences. T'arrivais en haut, puis c'était une autre ambiance à Montréal. C'était plus tranquille. C'était comme, OK, on s'en va de conférence, on s'en va se mettre là. Mais il y a plus de salles à Montréal, je pense, pour les conférences, comparativement. Il y a, plus de conférences tout court aussi à Montréal. Ouais. J'ai l'impression que cette année, Ottawa, il semble se limiter dans le nombre de conférences disponibles. Mais ils ont juste une salle. Ben, c'est ça. Ils ont la grande salle pour les invités. Puis je pense qu'ils ont quoi, 4 salles pour les panneaux? Puis ils sont dans un couloir. Oui. That's it. Dans le même couloir que les toilettes aussi. Donc, c'est sûr que quand tu fais la queue pour attendre pour aller voir un panel, ça vient en odorama. Puis ça vient aussi en peuplement. Donc tout le monde attend, tout le monde est désagréable, ils ont les yeux jaunes, vitreux. Puis ça sent un petit peu une fragrance qui s'approche d'excréments. Mais. C'est proche, c'est entre le corridor de ça, il est entre les deux portes d'entrée. Fait que tout le monde qui rentre en plus est là. Et voilà. Passe par là. Fait que c'est il y a une gate en plus hein, que les gens checkent. Oui, puis ils checkent beaucoup. T'sais. OK, salut. Ah, oui, t'as des cheveux, passe. OK, t'as tes deux yeux, passe. C'est super chiant. Il y a quelqu'un avec un eye patch. Ils l'ont fouillé. Fait que, dans le fond, l'espace commence à être peut-être un peu restreint pour l'événement. Je suis tout seul à penser ça? Ou... Non, je suis d'accord que pour les... Pas pour le floor de vente. Non, c'est la place. Le capitalisme a sa place là-dedans. Mais je trouve qu'il est bien installé d'avoir séparé, comme on mentionnait un peu hier, séparé les artistes, séparé les kiosques, les ventes, tout. Il pourrait même séparer peut-être les autographes puis tout. Je sais pas comment dire ça, mais je trouve ça chiant de voir les line-up de même. Je pense qu'ils sont rendus peut-être à une anticipation, mais il y a certains artistes où leur renommée est faite. Quand l'artiste est rendu à charger à 20$ pour signer un comic, il faut peut-être prévoir des line-up. Non, mais pas les autres, plus les gros noms que, tu sais, dans le fond, ou ceux que tu prends des photos avec, ou des affaires de même. Je trouve qu'ils pourraient peut-être mieux organiser ça, mais en même temps, pour l'instant, ça me touche pas. J'ai jamais pris de photos ou eu d'autographe. Je vais. On va tester l'expérience demain. C'est ça, là. Par contre, on a une nouveauté cette année. J'ai pas eu le temps de mettre le teaser. Je suis limité par les outils, surtout la connexion Internet du merveilleux hôtel Les Suites. Mais on a eu... Milton, tu vas partager ton expérience de Comic-Con avec les gens d'une façon très intime. POV. Du POV pour ceux qui écoutent la soirée des Oscars. Mais du point de vue, dans le fond, la caméra va filmer du point de vue de Milter son expérience de Comic-Con. Je suis en train de faire un petit montage vidéo là-dessus. Ça devrait être en ligne sous peu sur la page du collectif. Du point de vue de mon chest. Du point de vue de ton chest. Fait que, tu sais, c'est pas mes yeux, c'est la direction beaucoup de, que je fais face. Beaucoup de pectoraux, beaucoup de testostérone. Oh, c'est oui. Le point de vue de ton chest. Mon chest, regarde. Mais on va vous envoyer ça sous peu sur les pages des médias sociaux. Mais... Oui, c'est, je me sentais comme Iron Man avec ça. Moi, je te dirais, écoute, Tony Stark sécurise et intrigue les gens. Toi, avec ta caméra sur ton chest, tu... Je l'ai intrigué une coupe. Tu l'as intrigué une coupe, puis t'en as peut-être déstabilisé une coupe aussi. Peut-être. Mais c'est pas grave, parce qu'à quelque part, regarde, on les connaît pas, puis à leur demande, on va retirer le vidéo ou le modifier. C'est selon. Ouais. Mais... Comic-Con, c'était comment pour vous autres, Chris? Qu'est-ce qui s'est passé de bon avec toi? Là? Tu t'es arrivé, toi, hier soir? Ouais, on est arrivé vers 6h environ. Puis là, on n'a pas eu la chance de t'avoir avec nous hier, mais ton vendredi, s'est passé comment? T'es arrivé. On a magasiné, on a fait comme peut-être 3 gardes rangées maximum. Puis après ça, c'était Giancarlo qui était au Q&A. Puis c'était très... Moi, j'ai adoré ça. Il y a beaucoup de charisme. André, t'étais là, mais ça. Ouais, j'étais là. On était tous là. On était tous là. Vous autres, vous avez pas. Non, moi, puis Nick, on est parti. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il était au courant que Revolution était cancellé avant d'entrer sur le plateau? Il l'a su la même journée que nous. Ouais, parce que tantôt, il y a quelqu'un qui avait posé, il avait dit. Puis il a fait comme ouais, je viens de. Je l'ai comme appris en même temps, quasiment. Ouf. Ça doit être rough, ça, pareil. Quand même. Community aussi avait été annulé. Il y a comme plein de shows qui ont été annulés hier. On dirait que c'est pas un bon moment de télévision pour NBC qui semble vouloir se ressourcer puis chercher un peu leur formule. Là, mais M. Esposito, un acteur émérite, t'as trouvé comment son panel, toi? Moi, j'ai adoré. Je te dirais que... J'étais pas étonné, dans le fond. Je savais que tu sais, ça allait être une personne qui allait, qui savait assez bien parler, là. Mais il me fait penser le petit bout que j'ai vu là, excuse de te couper là, mais tu sais un genre d'acteur de théâtre, tu sais genre de, mais de... je pense qu'il fait beaucoup de théâtre, c'est ça, ouais. Il avait de l'air de ça, de la façon qu'il parlait, de la façon il a débuté dans le théâtre. Okay. Puis après ça, dans le fond, il y a... Comment qu'il dit ça? Classic training, genre, là, tu sais, Mais d'un autre côté, il a passé quand même de classic training. Il a fait des films, des téléséries, puis il parlait même à un moment donné d'un clip de Mylène Farmer. Ouais. Qui avait aidé à... Je pense, c'était quoi? Il l'avait réalisé, même, ou... Ouais, ben, il avait aidé à réaliser parce que le réalisateur était comme... Pas un, mal un petit peu sur les salles de bain dans sa loge, puis il a demandé à M. Esposito, « Écoute, back, moi, il me faut mon chèque. » Je trouve qu'il a l'air un peu... pas strict. Mais il a l'air, tu sais, il a l'air à connaître sa game. Ouais. Mais il a l'air aussi, je veux dire, il s'amuse, mais il a l'air, tu sais, il veut. Il est concentré dans sa job. Il s'amuse dans sa discipline, dans le fond. Un character actor. Ouais. Exactement. Lui, son trip, c'est, tu sais, ah, je vais jouer quelque chose de bien compliqué, puis je vais être capable. Il rentre sur le plateau, puis ils savent qu'il va faire sa job, puis ils savent qu'il va jouer les rôles qu'il est supposé, puis. That's all. Puis mis à part le panel de M. Esposito, là, on est rendu à samedi ensuite. Ça s'est passé comment, ton samedi? C'était pas spécial. J'ai adoré Bruce Campbell. Summer Glow, on est resté 15 minutes environ. Le son était un peu à chier, je pourrais dire, parce qu'on était en arrière. Je sais pas si en avant, c'était mieux. Hier, pour Esposito, c'était mieux. Ben, mais je le trouvais trop fort, M. Esposito. Même parfois, il parlait, puis ça ouais, mais clipait, là. Ouais. C'est à lui, c'est comme personne. Oui, personne qui est assez loud. Ouais, ben, je voulais te backer sur le son, parce que j'entendais fuck all, presque rien. Puis, je suis pas sûr, c'était pas juste elle. J'ai beaucoup de la misère avec l'acoustique de toutes les salles de ce building-là, on dirait, là, même. Mais c'était en écho. On dirait que le système de son, il était en avant, les speakers, ils étaient en avant, ils étaient plus rapides, tu veux dire, que ceux d'en arrière. Fait qu'il y avait comme un décalage qui créait un écho un peu. Très, très difficile de calculer l'écho d'une pièce comme ça. Mais Bruce Campbell, c'était pas le même. Mais Bruce Campbell, on dirait, c'était... Premièrement, ils ont mis beaucoup plus d'attention, juste la composition du stage. On voyait que là, les commanditaires étaient au rendez-vous, il y avait un setup, puis un concept. Plus de commanditaires. Tu sais, on s'entend, je pense que cette année, moi, ce que j'ai vu des panels, puis j'étais un peu à la même place que toi. Summer Glow, le son était bizarre un peu, mais tu sais, c'est une fille qui est très réservée, qui est très... Summer Glow, moi, personnellement, je l'ai écouté au complet, la conférence, puis c'est une fille qui a très une ambiance... La petite voisine de ton enfance, tu sais, la bonne petite fille que... La fille d'à côté. Elle parlait, la fille d'à côté, tu sais, regarde, elle parlait, ben ces temps-ci, moi, quand je suis pas en train de faire mon rôle, ben j'aime ça cuisiner, puis aller me baigner, puis, tu sais, puis mon fiancé, puis, tu sais, fille super humble et simple, puis même que quand elle parlait, elle projetait pas super gros dans le micro, tu sais, elle tenait d'une manière un peu bizarre, puis... Puis d'un autre côté, t'as M. Esposito, que lui, c'était le contraire. C'était comme, moi, je suis bien confiant, je tiens mon micro, je le cope pas. Puis, ben, il dominait le stage. Ouais. Puis, c'était très. Comment je peux dire ça? Une prestance, là. Tu sais, il était fort, là. Ouais, mais. On dirait qu'on était dans un séminaire. Un séminaire. Wolf of Wall Street, dans le fond, il est en avant, il est en train de nous brainwasher. Là. Motivateur. Ouais. Il a même droppé le nom de son coach, je dis ça de même. Là, mais ouais, en disant qu'il entraînait Deepak Chopra. Ouais, mais le gars qui l'entraînait, c'est le même gars qui fait Deepak Chopra. Ouais. Blop. Mais ouais, Bruce Campbell, méchante bonne conférence, ça, honnêtement. Je catch pas. Je sais pas ce qui se passe à Ottawa, mais. Simon, le ratio de monde qui rentre avec de l'alcool frélaté dans des bouteilles d'eau était quand même assez élevé cette année. Frélaté, c'est... Ben, tant qu'à moi, ton whisky, quand il a passé un après-midi d'une bouteille d'eau dans l'IA, il est rendu frélaté. Là. Mais je pense pas, je sais pas si c'était du whisky. Ça a l'air plus genre de l'alcool ben normal mélangé avec d'autres choses. Ou bien l'autre gars qui dit à Bruce Campbell, qui fait « Ben, je t'ai amené une bouteille de scotch, il arrive sur le stage, elle est ouverte puis elle est entamée. » Ouais, c'est un peu awkward, là, j'ai vu le brasser, là, c'est comme « Ah, elle est ouverte. Oh, » Non, c'était étrange, mais la conférence de Bruce Campbell, c'était honnêtement une des meilleures conférences que j'ai vues à la vie. Parce qu'il est divertissant en partant. Là, ben, c'était original, surtout. Même quelqu'un qui le connaît pas vraiment, il va... Comme ça, on a parlé un peu hier, tu sais. Puis moi, ça, Summer Glow, je la connais pas vraiment. Puis comme tu dis, elle est plus réservée, elle est gênée, puis ça. Moi, qui sais pas ce qu'elle a fait dans la vie, qui a jamais rien vu, puis qu'elle parle de ses anciens projets, je suis comme, OK, mais ça vient pas me chercher. Mm-hmm. Mais Bruce Campbell, moi, c'est sûr que je suis vendu à Bruce Campbell, mais quelqu'un qui connaît pas Bruce Campbell, qui a vu la conférence aujourd'hui, il a pu quand même apprécier parce que... Le gars, il est charismatique, il est drôle. Mais le setup aussi, tu sais, il y avait son petit vidéo au début qui était très bien monté avec des bouts de sa carrière, de ses films ensemble. Puis c'était bien. Puis les interactions du monde, tu sais, Bruce Campbell, il a décidé, pour faire un peu de mise en scène aux gens, il a décidé que sa conférence était pour être à propos des gens. Fait qu'il faisait des genres d'élections de popularité rapides avec les gens dans la salle. Quel genre de gens trippent sur Bruce Campbell? Ben c'est ça, tu sais, puis il disait les personnes les plus intéressantes vont participer, puis les choses comme ça. Puis il était un peu à la limite moqueur? Baveux, ça se dit bien. Hein, c'était baveux. T'es baveux avec les gens. Coquin. Puis c'était drôle. Oui. C'était super drôle, puis on a appris des trucs intéressants, tu sais, comme C'était pas Baba Hotep, c'était Baba Nosferatu ou la suite de Baba Hotep, dans Baba le fond. Nosferatu. Baba Nosferatu. Qui est en train de se faire écrire. Ouais, qu'apparemment, ça pourrait peut-être expliquer les 18 minutes du footage de Nixon et de telle personne pendant la crise du Watergate, je pense qu'il parlait ou quelque chose comme ça. Ça fait longtemps qu'il était supposé avoir une suite à Baba Hotep qui s'appelait justement, c'était, la suite c'est Baba Nosferatu, The Curse of the Sheev Empire. C'était ça le titre, le premier titre que j'avais lu. Puis finalement, ça s'est jamais fait, mais là... Mais ça, c'est Baba Hotep, c'est bon. Moi, tu me l'apprends, là, avoir une suite à ça. Parce que tu disais, tu parlais d'une suite à ça, dans ma tête, je suis comme, attends, tu sais, on a une suite à Baba Hotep. Qui connaissent pas Baba Hotep, c'est Bruce Campbell qui joue le rôle de Elvis. Dans une maison de retraité... En fait, il est le vrai Elvis, puis le Elvis que tout le monde connaît qui est mort, c'était une doubleur, parce que lui, Elvis, il était tanné, puis il s'était retiré. Son partner, c'est pas comme un président. C'est le président des États-Unis. Mais en noir. Ouais, puis qui ont remplacé son cerveau par une poche de sable. C'est vraiment weird comme film. Parce que les deux font un team, puis ils se battent contre une momie. Comme des momies qui sucent. Les momies qui sucent ton âme de ton anus ou quelque chose comme ça. Écoute, pas trop de spoilers, Eric, quand même. Il faut laisser du mystère. Mais ça, ils disent au début, tout le monde pense s'en fout. Mais c'est très bon pour ceux qui aiment un peu le cinéma. Moi, personnellement, je l'ai chez moi en DVD Blu-ray. Ça confirme que Milter l'aime. Ça prend ça dans votre collection, on s'entend. Moi, je voudrais une suite. Comme un peu, il a dit aussi qu'une suite à Evil Dead n'est jamais... Ça serait jamais possible. Army of Darkness, plus qu'on voudrait. Ouais, ce serait Evil Dead 4 ou Army of Darkness 2 ou whatever. Là, mais yeah, c'est... Mais il disait qu'il était trop vieux pour... Il a dit qu'il le ferait peut-être en marchette. Puis là, il a demandé au monde, est-ce que c'est ça que vous voudriez voir si la possibilité arrive? Puis tout le monde a crié oui. Fait que je pense qu'il le ferait si... Ben écoute, honnêtement, à voir la réaction, mais là, il parlait de son nouveau show qui était à NBC, je crois, qui s'appelait Mission Control. Par Will Ferrell. Exactement, qui était produit par Will Ferrell, que lui, il a poussé ça comme un genre de Mad Men rencontre... Paname, mais je veux dire, c'était... C'était Mad Men. Le Mission Control des missions de la NASA rencontre Mad Men avec des jokes. C'est les 50s. Ouais, les 1950 avec des jokes. C'est nice. Puis tu le sais que si tu es produit par Will Ferrell, ça va être toute la gang de malades de Funny or Die. Puis, et Bruce Campbell. C'est ça, en plus le côté de la gang à Bruce. C'est un concept écœurant, ça. Ça peut pas être mauvais. En tout cas. Moi, si j'apprends ces affaires-là, fait que c'est cool. Mis à part ça, qu'est-ce qui s'est passé de bon sinon? Moi, je m'ai fait bien du fun à fouiller dans des comics puis aller faire des autographes par plein de monde là, qui m'ont signé ça. T'as fait combien de visites pour aller voir Yannick Paquette? Juste deux. C'est bien. T'en restes-tu? Il m'en reste une à faire. Dans le fond, je fais signer le gars trois fois, mais au lieu d'amener mes trois BD d'une shot, ben j'y vais une shot. Tu les achètes au fur et à mesure. Je reviens une heure plus tard avec un autre. J'y fais signer. Je reviens une autre heure plus tard. J'en trouve un autre. Je vais aller faire signer. J'ai fait ça avec lui. C'est qui? J'ai fait ça avec un autre, je pense. Non, l'autre, j'ai amené les trois d'une shot, c'est vrai. Geoff Isherwood. J'ai amené mes Conan. Les BD de Conan. J'ai pogné un trois part de Conan. Puis le gars qui les a écrits... le plot artist qu'on appelle. Puis il montrait tes BD de Conan pendant ce temps-là. Il montrait à qui? Il montrait au. Bob Camp, c'est ça. Justement, je suis allé voir au moins quatre fois. Pas te faire une shameless plug, Chris, mais ton t-shirt de Ren and Stimpy que t'as designé, c'était quoi la réaction de Bob Camp quand t'es arrivé avec ça? Ah, il l'a trouvé vraiment cool. Puis je sais pas si c'était sa femme qui était à côté. Ouais. Elle aussi, je veux dire, la plupart, il y a beaucoup de gens, j'étais étonné, qui ont... il y a eu beaucoup de réactions pour ton t-shirt aujourd'hui. Puis je l'ai fait signer. Et t'as-tu offert un job? Non. Okay. Malheureusement. Est-ce que ce t-shirt-là, les gens vont être capables de se le procurer? S'ils veulent, je veux dire, j'ai aucun problème à aller le faire imprimer. Génial. Fait qu'à ce moment-là, ben regarde, on mettra le artwork, si tu le permets, en lien dans l'épisode du collectif. Fait comme ça, les gens qui veulent le voir. Puis on va mettre la photo justement parce que Bob Camp a signé les chandails aussi également. Oui. Fait que ça, c'est quoi ce moment-là pour toi? Tu sais, tu designes de quoi inspirer de l'art de quelqu'un, puis là, il le reconnaît. Tu t'es senti comment quand il a commencé à revoir le T-shirt puis qu'il l'a signé? Ben, j'étais très content, je te dirais. C'est toujours un honneur quand que t'sais, quelqu'un, un autre artiste, il, surtout, je veux dire, tu fais de quoi? Semi-parodie de ce que lui, ce qu'il fait, puis qu'il trippe dessus. C'est sûr que, je veux dire, il peut peut-être dire, ah, c'est cool, là, il est vraiment beau, puis je veux dire, parce que, je veux dire, il veut garder ses fans, ou. mais en même temps, je veux dire. Ben, il avait de l'air à triper le bonhomme. Ouais, ouais. Parce que quand il parlait avec le Geoff, là, que moi je suis allé voir, mm-hmm. quand j'ai donné les BD, tout de suite il les a pris, puis il les a passés à l'autre, puis comme check ça, les couvertures là-dessus, le gars qui les a faites, puis nanana. Puis tu voyais qu'il trippe encore à faire ça. Là, il dessinait encore, puis. Ouais, je vois, la passion je voyais, est puis, là, fait que tu sais. Ça a l'air d'un bon doute. Il a signé, puis. Tu sais, il a pas fait d'attitude, il avait pas, il parlait pas trop comme c'était qui l'année passée des X-Men? Je sais exactement qui tu dis. J'ai un blanc. Le monsieur que t'as fatigué justement des. Ouais, j'ai complètement. Ouais, tu l'avais pris au dépourvu puis il jasait beaucoup. Ouais, il jasait là. Beaucoup, je sais pas, il était un peu. Puis il y avait le gars qui était arrivé avec comme 45 de ses comics puis des livres puis tout pour faire ça me fait rire là, tu sais le gars là à Comic-Con là, il y a une affaire moi que ça me fait rire et rager à la fois. Les gens qui se promènent avec les gens de petites poussettes à côté, puis une poussette, j'ai pas de problème, tu sais, c'est comme c'est ton bébé, puis c'est tu vu le gars avec la poussette avec un mais chat. Mais là, tu vois, non, il y avait un gars avec une poussette avec un chat. Ouais. Le chat était-tu malade littéralement ou non, il était malade de bébé, mais il y avait un chat à l'intérieur. Chat, c'était un Maine Coon parce qu'il était immense là quand même. Ben man, à la limite tant que c'est un être vivant dans le petit pousse-pousse, c'est correct. Moi, c'est les valises à comics. Puis justement, le gars qui arrive, puis « Ah, tel artiste est là », puis c'est correct, c'est son trip, là. Mais il traîne une mallette qui tape ses mollets tout le long de la journée, puis qui te sac des coups d'un talon avec. Puis il arrive, puis là, c'est comme « Tout le monde attend, puis « Ah, ce sera pas long, tout le monde, j'en ai 58 à faire signer. » Puis là, il sort tout méticuleusement un à un, puis il sort avec les pinces à cils. Préparer d'avance ou quelque chose. C'est ça, prends tout d'avance, puis tu sais... Je me présente pas de table en train de défaire avant. Là. C'est soit qu'ils sont easy access, que j'ai pas de tape après, puis oui, je le sors. Ça fait pas 50 non plus. Là. Ben, il y en a qui ils font tout, puis tu prends les plus beaux, les meilleurs, ou ceux que. Tu sais, les numéros 1. C'est parce que ça commence à être beaucoup, puis même pour l'artiste, à un moment donné, ça doit être chiant. T'en as 50 d'affilée à écrire, puis le premier, t'écris un petit message, le deuxième, t'écris ton nom, le troisième. Tu fais tes autographes vraiment boboche, rapide, puis ça doit être déplaisant quand t'es rendu comme ça, puis il doit y avoir beaucoup de gens comme ça, mais à la limite, garde, c'est leur trip. Mais il y en a qui te parlent beaucoup, tu sais, ils sont contents aussi là, ouais. que tu tripes, là, tu vas y voir, là, c'est Mike Bradshaw, je suis allé voir, là, Nick Bradshaw. Il était super cool, là, je suis allé le faire, là, signer un Wolverine and the X-Men, puis... gars super correct, et il veut te parler, là, tu sais, comme, là, pis il check, pis c'est quel thème le plus, tu sais, c'est quel... Mais ça, c'est le fun, parce que c'est du monde qui sont encore passionnés, tu sais. Parlant de passion, je me suis retrouvé dans une conférence avec Martin Wood, qui a travaillé sur Stargate SG-1, Atlantis, Sanctuary, tout le kit, puis j'ai resté surpris, c'était une conférence qui était présentée par le podcast qui vient d'ici, c'était After the Credits, dans le fond, qui est un podcast. C'était pas eux autres qui ont rentré à Bruce Campbell. Non, c'était pas le podcast qui a le gars de façon très très comment je peux dire arrogante dit qu'il était la raison pourquoi Bruce Campbell était rendu à Ottawa Comic Con. Mais non, cette conférence avec Martin Wood, c'était super le fun. Il a parlé de beaucoup d'anecdotes qu'il y avait pendant Stargate SG-1 puis Atlantis, tu sais, puis il parlait justement le monde qui l'engage, tu sais, hey, prends Martin Wood, c'est une valeur sûre, t'as-tu vu ses émissions, tu sais, ils durent longtemps ses émissions, ils ont beaucoup de saisons, fait que tu sais, il dit c'est son pitch, puis tu sais, le monde, ils ont posé des questions quand même intéressantes en voulant dire, tu sais, regarde, t'as pas peur un peu, t'as juste fait de la science-fiction, c'est pas une niche, puis tu te la quittes. Puis il parlait, tu sais, il dit, ben regarde, moi j'ai rien contre la science-fiction. Il dit, moi tu me donnes un green screen, puis je peux faire n'importe quoi. Il dit, on serait dans la pièce présentement, puis je te rajoute un dinosaure, des explosions. Vous échangez tout votre linge 11 fois, puis on est capable de peupler un vaisseau spatial de 6000 habitants. On est capable de... Tu sais, il expliquait toutes ses affaires de même, puis avec passion, puis il était super drôle, le monsieur. Puis, mais étais-tu tout seul ou il y avait les deux acteurs aussi qui étaient... Les deux acteurs, moi, ma préconception, c'était que les acteurs étaient pour être avec lui ou que... Là, pour les gens qui me voient pas à la maison parce que vous m'écoutez, je fais des signes de guillemets avec mes doigts. Les acteurs feraient une surprise pendant la conférence. Mais non, Amanda Tapping puis monsieur Tilk, que j'oublie tout le temps son nom, ils sont pas présentés. Mais à lui seul, il m'a tenu diverti. Puis il a conté une histoire que je vous ai contée tantôt, de camaraderie lors du tournage où il s'est fait un peu troller par ses acteurs. Mais l'acteur a même impliqué le président de Sci-Fi Channel qui l'a appelé personnellement pour être dans Joke. Puis c'était vraiment cool. T'sais, il a parlé justement du fait que il y en a un qui a posé la question puis ils l'ont remis un peu dans les dents. Mais ils ont fait « Hey, tu te sens comment d'avoir pris Primeval puis d'avoir refusé Beyond Human? » Beyond Human qui fonctionne relativement bien à la télé présentement, puis Primeval que je pense ça a fait une saison, le remake de ça, puis ça a été cancellé, tu sais. Fait que c'était très drôle, puis le gars, il en parle avec une touche d'humour, puis il y avait, je pense, c'était sa fille aussi qui était dans la première rangée, puis c'était une belle conférence, c'était petit, c'était intime, il n'y avait pas grand monde dans la pièce parce que ça overlappait un peu avec Bruce Campbell, justement. J'ai jasé avec des gens d'Ottawa justement dans le line-up qui me posaient des questions, tu sais, hey, c'est quoi votre blog, parce que sur la passe média cette année c'est indiqué blogueur. Petit commentaire à Ottawa Comic Con, ça serait cool de différencier les podcasts des blogs. Je veux pas sonner élitiste, mais on est une catégorie à part, on est un média interactif. Je pense parce que certains ou peut-être la plupart des podcasts ont une partie blog. Ouais, pas peut-être. Je suis pas prêt à dire la plupart, mais c'est sûr plus informatif, style. Mais c'est un aspect que tu touches, Minter, que j'ai trouvé intéressant parce que pour la première fois, regarde, c'est la deuxième fois qu'on nous invite en tant que média à une convention, puis j'ai pu jaser avec des pairs. Les pairs étant des gens avec des passes médias, fait que j'ai eu des gens qui étaient non, des médias des reconnus. Des non, pas des pairs voulant dire des gens qui ont un site à but non lucratif et beaucoup de temps investi dedans. Mais ils ont peut-être des fois des enfants aussi. Ça se pourrait effectivement qu'il y ait des enfants aussi également. Oh, mais les deux en même temps. C'est fou, hein, le monde, là, ça se lance en carrière. Mais en jasant avec ces gens-là, tu sais, tu découvres un peu leur technique, les choses comme ça. Puis, c'est fou de voir les méthodes d'organisation de tout le monde. Tu sais, il y avait des gens qui prenaient tout simplement les notes sur papier. Il y en avait des gens... Il y avait une personne qui m'a marqué. Le gars, il m'a expliqué son système. Puis, j'ai oublié son site web. Je vais le mettre en link éventuellement. Là. Lui, son système, c'est que sur lui, il y a une enregistreuse audio qui enregistre tout ce qui se passe autour de lui. Puis, c'est dire aussi, au cas où qu'il y aurait besoin de se rappeler d'une note. Il y a également un crayon genre Wi-Fi que quand il prend des notes, ça les digitalise et les envoie sur son Evernote. Tu sais, lui, il avait un système vraiment infaillible pour ne pas oublier peu importe ce qu'il a écrit ou ce qui s'est dit autour de lui tout le long de la convention. C'est incroyable. J'ai trouvé ça un peu touchant de voir. C'est beaucoup, je trouve. C'est beaucoup, mais imaginez-vous là, que ça, c'est des gens comme nous qui sont pas payés, qui font juste comme triper, puis qui décident, ben let's go, je me paye une tribune, puis je me lance. Mais ces gens-là se donnent du trouble, puis on jasait tout de ça à un moment donné, là, puis c'était le panel de Summer Glow, puis après ça, on s'est revu à Bruce Campbell. Je suis arrivé un peu dernière minute pour Bruce Campbell, par exemple. Mais tu sais, tout le monde jasait de leur truc, des affaires de même, puis à un moment donné, il y a eu un moment où j'ai fait, mais tu sais, à un moment donné, les boys... Nous autres, c'est notre passion aussi, hein? Puis tout le monde en consensus, ça a fait. Mais ça me semble passion, c'est pas un terme assez poussé pour ce qu'on fait présentement. On est passé le niveau de passion. Tu sais, on est rendu que c'est un investissement, c'est nécessaire pour nous. Mais j'ai trouvé ça cool de pouvoir jaser avec ces gens-là. La plupart, vu que nous autres, on n'a pas vraiment eu la chance de les rencontrer, eux autres, c'était-tu justement plus des blogueurs ou des podcasters, la majorité, puis qu'il n'y avait pas leur badge de podcast? Ben, en fait, c'est qu'il n'y a pas de badge de podcast, mais la majorité était des blogs. Si tu m'aurais dit c'est 50-50, aucunement. Il est très temps qu'ils reconnaissent la badge de podcast. Ben, c'est un peu là-dessus, mais je vous dirais, il est temps qu'ils reconnaissent la badge de podcasteur. Puis c'est pas parce que on était beaucoup avec la passe média sur les bancs, mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient podcasteurs qui animaient leurs conférences. Il y a eu beaucoup de conférences où c'est des gens qui ont des podcasts, des choses comme ça. Je pense qu'on est un médium qui est encore émergent, qui est encore peut-être méconnu de certains, mais de nous classifier en même temps que le blog, je peux comprendre le pourquoi, mais j'ai trouvé ça un peu plate parce qu'à Montréal, la passe média était une passe média, peu importe le média que tu représentais. Tu pouvais être journaliste, tu pouvais être blogueur, tu pouvais être un podcast, tu étais média. À Ottawa, t'étais média blogueur, t'étais média mauve qui devait avoir une signification, t'étais média bleu qui devait avoir une autre signification. Les bénévoles, ben il y avait le staff, l'équipe et les minions qui étaient les bénévoles à ce moment-là. Ils ont des termes cool quand même. Mais même sur le floor, les vendeurs, les renters, les ils ont tous des noms. C'est ça. C'était le vendeur de bouffe qui a sa badge spéciale. T'as le vendeur de d'un kiosque. Beaucoup de classifications, me semble. Mais pour la média, t'as pas vraiment besoin de plus grosses classifications. Ben, tant qu'à moi, ça devrait être média puis d'attitude. Média employé. C'est ça. Je veux dire que t'as un podcast ou que t'as un blog, que tu sois journaliste, c'est l'information qui, en fond, est rayée pour envoyer... Mais la seule affaire que je trouvais de valeur, c'est que les gens qui m'ont interpellé, parce que souvent le monde, ils voyaient la passe puis ils me posaient la question, tu sais, ah cool, c'est quoi ton blog? Ben en fait, c'est pas vraiment un blog, c'est un podcast. Ah, c'est un podcast, ah cool, vous êtes sur iTunes. T'sais. Puis la reconnaissance était immédiate à partir des gens, tu sais. Aussitôt que tu dis, je suis un podcast, les gens associent l'audio puis ils veulent t'écouter. Versus le blog, on dirait le monde t'es blasé du terme un peu. Ben, ce que t'arrives dans un blog, des fois, je veux dire, la lecture... Il n'y a pas vraiment de comment je peux dire ça? Ben, c'est que t'arrives dans un podcast, il y a des gens qui vont parler, vont donner des opinions. C'est plus intéressant à écouter que de lire un blog. Puis tu dis pas ça parce que tu as un micro dans les mains présentement. Non. Mais faut pas oublier, on est d'une société aussi où l'appel à l'émotion est habitué de se faire en 140 caractères maintenant via un tweet. Fait que c'est sûr et certain que la connotation du blog, selon moi, puis j'enlève rien aux gens qui ont un blog, là, je respecte beaucoup votre travail, j'ai le syndrome de la page blanche. J'ai un podcast, en fait, j'ai plus de blog, je l'ai fermé, parce que justement, le syndrome de la page blanche, c'est quelque chose que je suis pas capable de battre, puis c'est une des raisons pourquoi je parle derrière un micro maintenant. Je suis capable de parler, je suis capable de m'exprimer, mais de rédiger un texte qui va être intéressant, qui va être captivant, ça prend beaucoup de travail. Mais je trouverais juste que, selon la reconnaissance du public général, le terme blogueur s'appliquait peut-être un peu mal, puis était peut-être un peu restrictif à ce moment-là au niveau de notre médium, étant un podcast. Mais ceci étant dit, c'était le fun, puis même la passe média c'était d'intérêt. J'ai pu donner des cartes d'affaires à des gens, jaser un petit peu, on a échangé avec nos pères. Honnêtement, c'était une super de belle journée. Le samedi, pour moi, des belles conférences sur le plancher, beaucoup plus de monde, mais les costumes étaient intéressants, puis ils étaient élaborés aussi. C'était le fun. Faisait beau. Surtout Iman. Faisait beau. C'est con, là, mais c'était une belle journée. Ben, c'est ça, l'effet glauque. Quand on sort dehors, on peut prendre de l'air, il fait soleil. L'année passée, on l'a fait, puis il mouillait à Sio tout le temps, puis c'était comme... C'était le fun quand même, mais je disais, juste le fait qu'il faisait beau, c'était, je sais pas, c'était... Ça une, pleuvait pas comme, samedi, comme vendredi, là. C'était Iman, justement, il était quelle race, lui? C'était d'où qui vient, ce monsieur? On dit pas le terme race, non, on aime non, mais pas tu ça. Je veux dire, anasiatique, c'était un humain. Ethnie. Un philippien, je pense. Non, il était pas philippien, non. Il a pas l'air d'un philippien. Il a l'air asiatique, genre, t'es soit chinois, soit vietnamien. Mais t'as-tu remarqué, il y avait l'air du Iman comme le nouveau Iman, pas le vieux Iman. Il y avait l'air d'une... Les Masters of the Universe. Ouais, c'est ça. Il y avait l'air comme... Moi, je peux te dire, quand il a échappé ses clés, il avait pas l'air du He-Man d'antan ou d'aujourd'hui. Ses clés peu, qui étaient cachées... Il était caché au seul endroit où il pouvait cacher des clés sur son costume. C'est ce qui... Puis c'était pas dans perruque. Est-ce que tu l'as pas eu dans ta shot de... Non, j'avais pas encore la GoPro installée sur moi pour le POV, point of view. Mais en tout cas, c'était cool. On va voir des photos de cet He-Man-là. Ben, on a déjà des photos de cet He-Man-là qui sont en ligne. Je vais peut-être voler la photo de Lindsay aussi avec donc son Lindsay. Accord. Je négocie en onde comme ça, mais je peux encore éditer l'MP3, donc j'en profite. Mais l'ambiance était beaucoup plus festive puis le fun aujourd'hui qu'hier, je trouve. À part le lockdown. À part, ben, ça, c'est un des points. Les lockdowns. Il y a une chose, moi, que je comprends mal. Puis, oui, il y a beaucoup de monde, mais il y a beaucoup d'enfants. Puis, un lockdown, ce qui se passe, c'est qu'à certaines reprises, on a voulu quitter pour aller dehors prendre l'air. Ou tout simplement que des gens veulent entrer. Puis, les bénévoles doivent verrouiller les portes. Puis, tout simplement, empêcher l'accès aux gens parce que. Ils ont perdu un enfant. C'est arrivé à 3 ou 4 reprises aujourd'hui. Au moins 3. Moi, je l'ai vécu 2, personnellement. Ouais. Mais le temps, père de famille, là, toi, tu vas dans un, check un, ton un show enfant, comme ça. Ben, je serais-tu... Est-ce que je serais dans je serais déplacé de dire, justement, « Check ton enfant, me semble. » Ton enfant, le fruit de des entrailles de ta copine par le biais de tes fluides, mais... C'est le bon ton enfant, c'est quoi un enfant? Oui, oui, non, non, mais je sais, là, mais... La cigogne et le chou. J'essaie de mettre ça en contexte. Tu sais, t'as travaillé fort d'un coin pour faire un enfant. C'est... Fuck, surveille-les. Mais ça... Mais... Fais pas juste prendre le premier incroyable Hulk qui fait 5 pieds et moins, puis le ramasser. Tu vas peut-être arriver chez vous avec une étudiante étrangère en échange, là, qui va se demander pourquoi, là, mais... C'est pas première poison dans la vie que tu vois, tu garages tout à ton gars d'un an et demi, puis tu dis « Check ça, papa, il revient! » Puis quand tu reviens, il est plus là, tu sais. C'est ça, c'était bizarre. Ça. Moi, en tout cas, moi, il me semble, quand j'étais avec mes 3 enfants l'année passée, ben... Le plus vieux était tout le temps proche de nous autres, puis les 2 autres, ils étaient dans les carrosses, puis... Tu restes là, puis de temps en temps, il débarquait. Puis tu check, me semble, mais je comprenais pas le monde qui perdait. Tu sais, j'ai vu à un moment donné, quand on était dans la foire alimentaire, en train d'acheter de la pizza à 5$ et des chips à 4$, qui venait avec une sauce orange. T'es pas déplaisante. Sûr, hein, délicieuse. Ouais, ouais, j'ai stade de délicieuse et déplaisante, mais je pense que c'était comme du ketchup et de la mayo mélangée. Fait que moi, je faisais avec des carottes chez nous, c'est super bon. Mais anyways, t'avais un couple, tu sais, le monsieur était déguisé en Batman, la femme en Wonder Woman, puis leur petite fille était déguisée en Huntress. Puis tu sais, ça, c'était des parents que je trouve super cool. Ils sont tous déguisés, toute la gang. Puis là, maintenant, ils regardent leur petite fille, puis lève ta cape, tu vas t'enfarger, puis tu vas tomber. Fait que là, la petite fille. Elle savait qu'il fallait qu'elle lève sa cape et qu'elle la tienne parce qu'elle marchait avec quelque chose dans ses mains, tu sais. Puis c'était comme, il était toujours à vue de son enfant était toujours dans son champ de vision, toujours un contact avec lui. Tu sais, c'était comme ses parents-là, puis dans le fond, je dis ça, puis c'est peut-être eux autres qui ont perdu la petite fille en après-midi, mais ça vient de scraper ma théorie, mais... Perdre ton enfant dans une convention, premièrement, c'est un cauchemar pour les parents, puis ça peut arriver, des oublis, mais... J'ai trouvé ça fréquent aujourd'hui. Puis d'un autre côté, moi j'arrive, puis est-ce que j'aimerais ça sortir dehors? Ah non, tu peux pas, il y a un enfant qui est manquant. OK, ben, il est pas dans mes poches. Je l'ai pas un. Je l'ai pas caché dans mon soulier gauche. Au pire, il laisse pas de rentrer c'est ça pendant que tu sais, je trouvais un peu plate parce que pourquoi pas laisser le monde sortir dehors qui ont pas d'enfants? Je veux dire, toi, tu veux sortir dehors. Il laisse pas rentrer au pire. OK, t'as un lockdown, mais. Seulement pour les gens qui avec des enfants. Je veux dire, toi, tu sors dehors, t'as pas un enfant avec toi, là. Je veux dire, tu sors, puis... Oh boy! Hey, première fois derrière le micro, là, je te vois. Oh. Non! Vas-y. Faut juste parler dedans le micro, non, par exemple. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'aussi, il y a des gens qui payent, là, pour, je sais pas, les passes de luxe à 75$ ou les VIP à 130$, puis que, justement, quand que ça dit on est en lockdown, mais toi, tu t'en vas dehors fumer une cigarette, puis tout d'un coup, on dit, ben, tu peux plus rentrer, puis que t'attends dehors une demi-heure, 45 minutes, etc., la première fois. Mettons que t'as le goût d'une deuxième cigarette, puis t'en retournes dehors, puis qu'après ça, ben, ils disent encore, ben, c'est un autre enfant qui s'est perdu. C'est comme ordinaire quand ils disent, tu peux pas rentrer, puis que tu fais pas, comme j'ai payé, pas là. Pour quelqu'un déplacé, mais ils vendent pas ça, des laisses, genre, pour les enfants? Pas Des laisses, non, mais c'est pas des laisses, c'est genre de harnais, whatever, là. Ouais, tu me tiens. Ah ouais, puis ça pile de l'astronelle aussi quand il t'achète. non, mais sans joke. Dépendant, ça lance un choc. Dépendant de ton enfant, l'âge qu'il y a, puis tu sais si ton enfant, il est plus du genre à. Il est propice à partir comme un débile. Ben, il y a des enfants qui lâchent pas leurs parents, mais si tu sais que ton enfant, il est du genre à aller se promener. Mais moi, je parlais de ça aujourd'hui parce que justement, il y en a beaucoup qui sont contre les laisses, tu sais, pour les enfants. Là, parce que justement. Parce que je sais pas c'est non, quoi, mais moi non plus, mais en tout cas, on s'entend. Ouais, là, mais ça fait que ton enfant, justement, s'il s'en va, moi, je suis pour les laisses quand tu t'en vas dans une convention comme ça. Voyons donc, ça se peut, là, je veux dire, le ton monde enfant, qui sont il est intéressant. Les laisses, aller, c'est le même monde qui sont pour les guns gratuits. Fait que, yeah. C'est... T'aimes-tu mieux comme... que ton enfant soit... On va finir avec le commentaire de Nicolas. Non, mais t'aimes-tu mieux que ton enfant, il se perde puis que tu le cherches pendant 2 heures ou qu'il disparaisse ou de le traîner en laisse? Ben, c'est ça. C'est pas qu'il paye là-dedans. Moi, je pense... là. Je dis pas d'avoir un choker, là. Mais puis, c'est comme une espèce de harnais, j'en ai vu. Je vais te dire de quoi de cool par rapport à ça, là. On s'entend-tu que t'es à Comic-Con? S'il y a une place que tu peux t'arranger que la laisse à de la cool, comme un lasso de Wonder Woman ou de quoi de même, avec ton petit gars, là, genre, là, c'est bien là, là. Ou une laisse quand tu le déguises en Scooby-Doo. Ben, n'importe quoi, tu es Batman, tu le déguises en mini Joker, puis tu mets de laisse. Ouais, il y avait une section avec des laisses pour chiens. Des laisses. Pas qu'à faire. Mais on parle de ça. Justement, en avril, la compagnie Tile, je sais pas si vous connaissez Tile. Aucunement. C'est des petites puces que tu peux attacher après ton set de clés. N'importe ça quoi. Ça avait été kickstarté, ça, je crois. Ça avait été kickstarté. Moi, j'ai bêté dessus. Ben, T'as bêté dessus, c'est quoi? J'ai mis de l'argent. Là, ils ont commencé à shipper. J'ai pas encore reçu. Mais c'est une très bonne idée. Si beaucoup de gens utilisent le Tile, tu fais juste mettre ça sur ton enfant, puis après ça, tu peux le retrouver avec ton cellulaire. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est que nos enfants, c'est comme les chevreuils au parc safari. Exactement. On leur met une puce, puis quand... À l'oreille. Mais sais-tu quoi? C'est pas pour te débattre ta situation, mais ta situation aurait été totalement plausible avant 13h PM aujourd'hui, parce qu'à partir de 13h, les téléphones cellulaires ont tout simplement cessé de fonctionner aussi également dans le Earn Young EW Central. Il y avait beaucoup de gens qui ont embarqué sur le Wi-Fi là, puis il a lâché. Apparemment, là, tout le monde voulait décrire leur repas sur Instagram en même temps parce que là, il n'y a rien qui marchait. Ils voulaient prendre une photo. Mais c'était le même problème l'année passée aussi. Ça, en plus qu'il y a beaucoup de gens qui avaient... L'année passée, il y avait des trucs Interac. Wireless. Oui. Qui pognait pas. Fait que les gens pouvaient pas acheter des line-up incroyables au guichet. J'ai vu un hier, un gars avec un truc wireless. Il la tenait au bout de ses bras pour essayer de pogner un autre plus facilement. Là. Fait que là, il mettait la carte puis il tenait ça là, dans les airs là, puis il attendait comme. Mais je pense que ça, là, faut qu'il le corrige honnêtement parce que ça fait 2 ans d'affilée. Les téléphones ne marchent pas dans votre place. Puis là, même entre nous autres, à un moment donné, ça vient que ça crée une frénésie de « ben moi, je suis en Belle, c'est en marche. Moi, je suis en Vidéotron, j'embarque sur Rogers. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Moi, t'es là, je suis correct. » À 1h cet après-midi, là, peu importe ce qu'on disait, on était fuck all capable de se rejoindre. T'envoies un texte, c'est 24h après. Un moment donné, je suis à côté d'Éric, puis je reçois un message Facebook d'Éric qui me dit « hey, les gars, je prends l'autobus. » Là, j'ai regardé Eric, j'ai fait comme « T'as peu, tu prends l'autobus, pourquoi? Puis pourquoi tu mets le texte? T'es devant moi, tu pourrais me le dire. Tu sais, j'ai-tu fait quelque chose pour t'offusquer à un point tel que tu voudrais me texter que tu t'en vas? Puis tu voudrais pas me le dire, tu sais? » Je te regarder, puis je pars. C'était vraiment, là, c'était spécial. Mais honnêtement, faut qu'il corrige ça. Mais c'est ça existe pas des gens de duplicateurs d'énergie de Wi-Fi, là, tu sais, des affaires de même. Là, Écoute, garde, non seulement ce n'est pas à nous de le trouver, mais deuxièmement, c'est à leur avantage parce que chaque personne qui peut pas utiliser son cellulaire, c'est des tweets qui perdent, c'est des photos d'Instagram qui perdent, c'est des mentions sur Facebook. Plein d'impressions sociales qu'eux autres sont pas capables d'aller chercher à ce moment-là. Je sais pas si ça existe, parce que même quand tu arrives dans des shows, des gros spectacles où il y a des milliers de personnes, il y a trop d'interférences. C'est les masques en même temps. Ouais, mais on s'entend que même à Star de nos jours, au jour de l'an, ça plante pas. Moi, ça plante. Tu sais, bonne année, là, on s'entend, ils passent tout à Star. Fait que tu sais, entre bonne année puis hey man, je viens de voir Wolverine habillé en latex. Je pense que le Wolverine en latex va avoir plus de chances à passer que bonne année planétaire quasiment en même temps. Pas si tout le monde voit le Wolverine en même temps. Ben même là, il va peut-être avoir un hot spot à Ottawa. Ouais. Écoute, à la limite, Wolverine versus le Nouvel An, débattez là-dessus ces médias sociaux. Moi, je suis curieux de savoir qui gagne. Je pense que ça dépend de la qualité du costume. Du Nouvel An. Le costume que le Nouvel An porte. Mais il y en avait un tantôt au Rain en latex. Il y en avait une coupe aujourd'hui, mais toutes des différents. Sous brun, là. Ben, un en côte de cuir, moto style. Un en non, l'autre original, mais... Ben, original jaune. Ou le brun non, jaune. Ben non, le brun jaune. Ben, je l'ai vu un bleu jaune aussi, tu sais, le saut un peu quand il était tout en bleu. Là, ouais. Moi, c'est pas que c'est passionnant les différences de sauts de Wolverine, oui. Messieurs, mais j'aimerais ça vous interrompre 30 secondes. Le cosplay de la journée que vous avez vu, c'est quoi? On va y aller par un cosplay par personne. Un, OK. Un. Oui. On en choisit un. On dit c'est qui. Puis après ça, paisiblement, on arrête de parler et notre collègue prend la relève. OK. Mais je vais commencer, ça va être facile pour vous. Vas-y, Eric. Ton cosplay. Diablo. Génial. Vous l'avez vu? Non. Hein? Vous êtes sérieux? Il l'a vu dans l'autobus Diablo. En chemin vers le Comic Con. Non, mais c'était même pas là-bas. En tout cas, je ça, c'était dire. Avant les goofballs ou après? Non, c'est... Man, j'ai des photos, je vais vous le montrer. OK, excellent. Ben, on va les mettre sur la page du collectif à ce moment-là, Diablo. Chris? Je te dirais, c'est Maleficent. Maleficent. Oh, ouais, la fille était vraiment belle. Le costume était vraiment beau. OK, good. Non, mais c'était l'impact que je disais... Elle avait. Elle ressemblait à Angelina Jolie. Ben, ça avait fait un maquillage qui découpait ses joues de la même façon. C'était, je remarque beaucoup trop le make-up. Je viens de m'en rendre compte. Cool. Nick? Ben, je voulais dire la même que Chris, mais là, je vais en dire un autre. Fait que je vais y aller avec... J'ai vu Spawn, qui était vraiment cool. Il a passé comme... Medieval Spawn? Il était toujours à l'extérieur. Là. Ouais, lui, on l'a dans les photos. On peut le mettre sur la page également. Il était vraiment cool. Maleficent aussi. Maleficent était quelque chose aussi. Fait drôle de ce costume-là. Il était comme en cuir un peu. Ouais. Puis il se tenait tout le temps dehors au soleil. Il devait avoir chaud. Fait que... Ça sentait sûr un peu. Je comprenais pas le gars de... Je sais qu'il a mis son costume tantôt, puis qu'il y avait des drafts. Mais il y a du monde qui aime ça, tu sais. Milton, toi, c'était quelle couleur de Wolverine que t'as aimé aujourd'hui? Moi, j'ai tout aimé les couleurs de Wolverine, surtout les Wolverines noirs. Mais pour de vrai, le Team Fortress, la gang en Team Fortress, ils avaient tout. Il y avait les medics, le gros dude avec la grosse mitraille. Moi, j'ai pris en photo sans savoir c'était qui. J'ai pris en photo. Il était juste bien fait. J'ai demandé à Milter c'était qui, mais j'ai trouvé juste cool de voir cette gang-là. C'était vraiment... Je me souviens plus des noms, des classes de chacun, mais tu sais, le rapide avec le bâton de base, l'espion, il était là, tout le medic. Fait que dans le fond, le medic, le scout, l'espion. Mais il était pas là l'année passée. Comment, excuse? T'es pas là l'année passée, soit à Ottawa, à Montréal? L'année passée, ceux que j'ai vus, je me souviens plus si c'était à Montréal ou à Ottawa, ils étaient... Une gang, là. Ben, une que j'ai vue en particulier, c'était tous les personnages, mais en filles. C'était toutes des jeunes filles qui avaient fait comme tous les personnages. C'était cool, c'était un autre concept, mais là, comme le gros mercenaire, là, avec la mitraillette, là, le dos, il faisait 6 pieds 5, là, puis il traînait vraiment de quoi de gros, comme une laveuse, là, tu sais, c'était... Comme le Tick aujourd'hui. Ouais, le Tick aussi. Mention spéciale au Tick. Ben moi, je vais me permettre une mention honorable également. En quittant tout à l'heure, j'ai croisé une dame. Je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode des Simpsons où Lisa doit se faire un déguisement comme un État des États-Unis puis a choisi la Floride. Oui. Puis qu'elle a un costume vraiment à poche. C'est la fille qui était dans le line-up pour... Oui. La fille qu'elle avait comme deux matelas avec deux du matelas, tape et un orange. Ouais, puis c'est marqué Florida. Je me demandais c'était dans quand quoi. Quand on l'a regardé, mettons, moi, je l'ai comme regardé, puis Underdash surpris un peu, puis tout de suite, elle m'a dit « Simpson reference ». Ben, c'est ça. D'après moi, elle disait souvent. Moi, elle a même pas eu à le dire. J'étais à côté, je me servirais de bord, j'ai regardé, j'ai fait wow. OK. Le souci est d'un détail. Parce que c'est quoi, on disait, mais juste ces deux matelas avec le tape, j'aurais pas catché, mais elle collait un orange avec du duct tape. Ben, c'est ça qu'il y avait. J'ai fait, oh, wow. Ben, c'est ça qu'il y avait dans le costume. Au moins qu'il avait fait, là. Ça, c'est la mention honorable. Puis il y avait un dude avec un costume de Green Ranger. Parce que récemment, j'ai toujours été un tripeux de Power Ranger. Puis le Lionsgate ont annoncé qu'ils feraient un film, le genre de reboot Power Ranger récent qui va être assez écœurant. Puis, le Green Ranger, son costume, je suis sûr qu'il l'a acheté, le gars, là. Mais il était vraiment cool, son costume. C'était-tu un morph suit, Green Ranger? Non, c'était un costume avec l'armure, avec le casque. Okay. La seule affaire, pauvre gars, il devait avoir un show, parce que quand le monde, il demandait de prendre des photos, il se tenait debout, puis il tenait, encore une fois, c'est très imagé, donc je vais appeler à votre imaginaire à la maison, il tenait son casque vis-à-vis son visage. Fait que comme ça faisait comme s'il portait avec des cheveux fous un peu qui dépassaient des bords parce qu'il voulait pas mettre son casque parce qu'il avait chaud, le petit monsieur. Fait que c'est la seule affaire que j'ai vue. J'ai fait comme, OK, ouais, ça doit pas être confortable. C'est plate. Mais son costume était écœurant. Avais-tu vu le gars qui faisait l'œil de Sauron? Oui. Ah, lui, il était cool. On l'a dans la vidéo de Milter, justement. Ses deux mains de même, là, puis il tient ses deux mains tout le temps. Puis, il y a le Sauron. Gros œil de Sauron. En parlant de gros œil, il y avait une cosplay de Futurama. Lila de Futurama qui se promenait avec Fry. Il y en avait deux, mais la première qu'on avait vue. Il y en a une qui là, tu t'as ouais, mais... de sa forme. Non, c'est. Comment qu'on dit ça? Pas du visage? Excusez. Pas du visage? Everything but her face. Oui. Disons, quand elle enlevait le gros œil qu'elle s'était mis dans la face, je comprenais pourquoi elle avait un gros œil dans la face. Mais. Puis elle voyait pas encore, là. Le reste du costume, il était très, très bien réussi. Elle avait de la misère à voir. Aucune auditrice que nous ne reverrons jamais. Parce que disons que la personnage, elle a juste un gros œil d'en face. Puis la fille, elle a fait un gros œil avec un trou dans le milieu. Mais ses deux yeux, ils étaient cachés. Fait qu'elle voyait rien. C'était-tu elle qui fonçait tout le temps dans le mur de la cantine? Ben, puis après, ça servirait. Puis c'était le mur de la toilette. Elle tenait le bras de son Fry, là, son chum. Là, puis... Elle était à chaque côté de la cantine. Son Fry qui regardait tout le monde d'un air très calme et aucunement jaloux. Puis c'est ça. Il attirait partout. Puis elle accrochait tout. Mais Adventure Time, là, il y a comme beaucoup de monde, hein, qui sont déguisés de même. Ils vendent des trucs pendant Eric, le show. T'en as vu plein, puis tu le sais juste Adventure pas. Time? Quand tu vois quelqu'un avec un chandail bleu pâle, non, j'ai vu des personnes bleu juste, foncé, non, moi, je parle plus blanche. Je parle plus du show Adventure Time. C'est quelque chose que j'ai jamais écouté. C'est incroyable. À ça, j'en vois tellement, je me suis fait tellement dire par Milter, whatever, c'est Adventure Time. Mais moi, je suis curieux, là. Donnez-moi un instant, là. Elle avait pris le micro pour une deuxième fois dans l'histoire du collectif. Elle parlait d'une équipe qui se promenait. Mais Lindsay n'a pas dit ça. La gang du Life Aquatic. Oui, c'est vrai. Je les ai manqués, eux autres. Je suis tellement... C'était dans le line-up. C'était vraiment nice, là. Puis moi, ça a vraiment été... Puis il y avait le gars aussi, déguisé, façon de parler, là. Sriracha, avec son t-shirt puis sa tuque, là. Sriracha, c'est quoi? Il était piquant? Il était... Ben, Christian, il a pris une photo, là. Il avait vraiment un t-shirt Sriracha, puis il a juste mis comme une tuque, là. Mais le Life Aquatic, là, et toute la gang, là, c'était ça. C'était le coup. Ben, il y en a tellement bons en même temps. Il y avait la chick de Watchmen aussi dans le line-up. La petite fille de Kick-Ass. Ah oui, c'est vrai. It Girl, puis... Elle n'est pas si petite que ça, elle a 17 ans. Pardon? Le gars de Hydra. Oui, le Red Skull. Red Skull, ouais. Mais il y en a tellement. Moi, ce que j'aime souvent, c'est l'originalité. Des fois, c'est bien le fun de voir une gang de filles passer avec des petites jupes Star Trek, exemple. Tu fais comment? C'est le fun, mais voir un Spider-Man puis un Venom Lego passer dans le corridor, vraiment, qui ont des rushs comme le... Ouais, mais ça, c'est le monde qui était en Lego Star Wars l'année passée. Star Wars, ils se font tout le temps des costumes Lego. Tu sais, c'est original, c'est cool, ça... Parce qu'ils font des costumes Lego, tu veux-tu dire, ils repeinturent le même à chaque année, puis... Peu importe. Je crois avoir vu un Bowser, comme dans Super Mario World, dans le cup. Oui, qui vole, là, sa face ronde. Je pensais que tu parlais de Bowser dans le film de Mario Bros. Avec un super scope. Ça aurait été carré. C'était qui? C'était Dennis Hopper. Non, c'était Dennis Hopper. Hein? Mais c'est en m'en allant, j'ai juste vu le cop. Puis à côté, il y avait comme le costume qui était comme... Attends. Ok, je ouais. Je pense que la personne était en train de... Était écœuré. Attends, le gars, il a droppé son costume puis s'est poussé? Non, il était comme... Je pense qu'il était à côté. Mais son costume, il était pas sur lui. Il était ok, attends, on va élaborer sur le sujet. Donc, le costume est par terre. Ouais, mais le cop, il était là. Puis il y a un cop. Puis il y a un gars. Ouais, ben le gars... Si son costume est à terre, le dit gars, là... Mais je pense qu'il est en train de le mettre. Il devait créer un malaise. Il a peut-être du linge. J'espère qu'il y a du linge. Ouais. Parce que dit de même, là, c'est louche. Yeah, boy. Malgré que ça serait pas le plus louche de la convention. On va investiguer demain. Donc, dans le fond, demain, ce qui nous reste... en fait, deux secondes. Il y a quelque chose qu'on n'a pas pu couvrir ce soir. Je vais le mentionner quand même. Quoi? Excuse-moi, Comic-Con, faut qu'on se parle. Il y avait une game canadien-Boston. Oh. Fait que, tu sais, Leonard Nimoy, il est vraiment cool, là, mais... Il était sur Skype. Puis je pouvais pas prévoir que Carl Urban était pour venir animer le panel. Fait que c'est bien le fun que tu l'écrives sur Facebook en disant « Hey, Carl Urban est venu animer le panel, c'était le fun! » Puis là, t'as 5 likes, puis tout le monde capote. Mais c'était Skype. Fait que c'est sûr que Canadien-Boston, c'est vrai ça. C'est quoi? T'es dans le dévoilé que le hockey, c'est plus important que le Rennie Moore en Skype? Oui, tout. Oui. C'est plus important que quelque chose en Skype. Même si Boston a gagné, Nick, qui a écouté la partie de hockey et qui fait juste nous remettre dans les dents, ça me tentait pas de me claquer Leonard Nimoy via Skype. Puis, ben, là, je vais être fair game. On a quand même manqué aussi Edward James Olmos. Puis on a manqué. Parce qu'on l'a fait plusieurs fois. Ben, c'est ça. On a vu c'est des gens qu'on avait déjà vus. On s'est promené, on a vu d'autres panels. Paul Ash, désolé, on a manqué le dernier Battlecom. Fait que je suis sincèrement désolé. Ils nous avaient même offert une place. Ben oui, ils nous avaient offert une place. Ça serait. Honnêtement, c'est le genre d'affaire que si je serais plus à l'aise en anglais, je me donnerais à fond. Montréal, en français, au pire aussi. Peut-être à Montréal, en français, je serais à l'aise d'aller sur le stage et me débattre. Mais en anglais, j'étais peut-être pas 100% à date. Mais c'était drôle. C'était drôle. Il y a eu un beau malaise aussi hier avec ça. Mais non, honnêtement, regarde. Ah oui! Super beau samedi. On a peut-être pas tout vu. Sean Astin, je suis désolé, mais je trippe pas sur Frodo. Mais, excuse de... Je sais pas s'il a parlé de Ninja Turtles. Parce qu'il fait les voix, il fait la voix. Écoute, lui, peut-être qu'il a parlé de Ninja Turtles, mais je suis pas sûr, par contre, qu'il a parlé de Ninja Turtles. Peut-être. Non, en tout cas, Eric, il a manqué à Christopher Lloyd. T'as manqué les questions importantes Eric, de son passé. Crois-moi, je sais. Comment vas-tu te remettre? La santé d'Eric est plus importante que des questions à Christopher Lloyd. Il s'en rappellera pas qu'Eric était pas là cette année. On lui demandera l'année prochaine à Montréal. À chaque jour dans la tête de Christopher Lloyd, Eric ne lui pose jamais de questions. Ouais. Même quand Eric en pose. Il se passe rien dans sa tête, Christopher Lloyd, en ce moment. Christopher Lloyd a de la misère. C'est comme Groundhog Day. C'est plate, là, mais il a l'air perdu. Chaque jour, ça recommence à zéro. Puis je suis content que cette année, il n'y a pas de fille qui demande dans quel... aussi qu'il met de l'argent s'il met dans une... Si tu reçois un don, dans quel œuvre de charité pourrais-tu le mettre? Ah, ça, c'est... C'est la même question à tout le monde. Tout le monde, ouais. Mais ça, c'est pas tes calices d'affaires. Ça. C'est malaisant un peu. Comme je pense que c'est un groupe d'artistes qui est débarqué là, puis qui ont dit on va tous poser cette question-là. Vu qu'il n'y a pas de jeu d'échecs. Personne, vu qu'ils citent, ils n'acceptent pas les échecs comme des jeux normaux, puis que tout le monde joue aux cartes. C'est ma théorie, j'ai développé ça en fait. J'ai observé le monde avec la Milter POV Cam. La réponse à cette interrogation la semaine prochaine dans le prochain épisode de Milter et ses autistes qui jouent aux échecs. Donc, demain, Carl Urban, qui ne sera pas dans le truc de Leonard Nimoy. Nick, demain matin... Peut-être que Leonard Nimoy va crasher via le Skype. Panel de Carl Urban via Skype. Carl Urban via Skype. Ça serait-tu écœurant? Ça serait assez fou. Parce que tout le monde pourrait entendre tout, tout, tout. Ben fort dans tout, la salle. Tout, tout. Avec un son de marde. Ouais, ouais. Écho. Ok, excuse. Excuse-moi. Fait que, Nick, 11h demain matin, Bruce Campbell. Oui. Moi aussi. Chris, toi avec. 11h demain matin, Bruce Campbell. Photo avec. Vous êtes prêts avec vos photos? Mon héros. On va tenter de sneaker la Milter POV Cam qui va devenir la Nicolas POV Cam pendant la photo Bruce de Bruce Campbell. Campbell. Edition. Fait qu'on va voir s'ils vont réussir à catcher que t'as une GoPro tapée sur le chest. Je veux me taper ailleurs. Non. OK. Faut qu'on s'artape dans la tête des fois. Fait que... Demain, dernière journée. Donc, merci d'avoir été avec nous pour le récapitulatif de la deuxième journée d'Ottawa Comic Con 2014. Nous sommes le Geek Collectif. GCOCC 2014 est le hashtag que nous utilisons pour vous envoyer des photos ou juste des affaires bizarres puis des affaires drôles. Fait que allez suivre ça. Instagram, Twitter, Facebook, toutes les belles petites plateformes. Mot de la fin, Chris? Non, allez-y vous autres. Un sérieux. Un mot sérieux. Nick, ben, t'es bon là-dedans? Moi, je sais pas quand est-ce que je vais reparticiper. Okay. J'aimais ça comme de renouer avec vous, les j'espère garçons. J'espère que tu vas être dans l'épisode de char en revenant. Ouais. Ah ben, je savais pas qu'il y avait un épisode de... Je sais pas. Écoute-moi non plus, je savais pas qu'il y avait un épisode de char, mais tout est possible au collectif. Si l'épisode de char, on va se revoir plus tôt que prévu. Ouais. J'espère, parce que c'est loin, Ottawa. Sinon, je sais que vous avez des projets d'émission qui pourraient m'intéresser, puis vous allez me rentendre dans les... plus bref délai. T'es en train de dire que tu vas venir dans l'émission d'horticulture, toi. D'horticulture et de Janine Souto. Fait que, that's it, that's all. C'est fini pour asseoir. Merci, bonsoir. Drop the headphones. Ça record même pas.